Audiomatique. pour amorcer la transmission 4-5-1 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe islandais Sigur Rós, de son 8e album studio intitulé Hotta, qui est paru le 16 juin 2023. Nous entendions la pièce Kletcher. Et c'est le groupe mexicain Capitals qui assure la suite d'Audiomatic sans attendre une seconde de plus. êtes toujours à l'écoute d'une transmission d'Audiomatique au sein de laquelle on vient d'entendre le projet Registros Akazikos et sa pièce intitulée El Portal apparaissant sur la compilation Tarinakoi Electronica Simultanea publiée par l'étiquette Bifronte Records et disponible gratuitement sur son site Bandcamp au bifrontech.bandcamp.com bifrontech.bandcamp.com. Avant Registros Akazikos, c'était la formation Blonde Redhead et sa pièce Not Getting There apparaissant sur l'album Penny Sparkle, sorti en 2010. Et soulignons au passage que Blonde Redhead prévoit sortir un nouvel album intitulé Sit Down for Dinner au début de l'automne 2023. Et pour amorcer cette séquence musicale, nous écoutions le groupe Capitals et la pièce Crystal Eye tirée de l'unique album Annual Once, créé en 2018 et publié en format CD en 2021 par l'étiquette de disque Tumbas Eternas. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec l'artiste française Christine and the Queens. was surprised by the cold change, and she kept on walking like a crazy French bitch she was. Oh yes, she was not going to surrender. It's like a better, you know. Oh, what do you feel? Il s'agissait à Audiomatic de Christine and the Queens, de son plus récent album, son quatrième, Paranoia Angels True Love, lancé le 9 juin 2023, nous entendions la chanson Track 10. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de la formation Soda Stereo. Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre la formation britannique Kitchens of Distinction et la pièce Drive That Fast, apparaissant sur l'album Strange Free World, paru en 1991. La pièce est également disponible sur l'anthologie Capsule, qui regroupe des pièces réalisées par Kitchens of Distinction entre 1988 et 1994. Avant cela, nous entendions la formation péruvienne Dolores Delirio et la pièce Dame, tirée de l'album Cerro, paru en 1995. Et en début de séquence, nous écoutions la musique du groupe Soda Stereo et sa pièce En Remolinos, se retrouvant sur l'album Dynamo, sorti en 1992. En conclusion de cette transmission 4-5-1 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste américaine Michelle Ndegeocello, de son plus récent album The Omnichord Real Book, sorti le 16 juin 2023. Nous écouterons la pièce Virgo. La transmission 4-5-2 d'Audiomatic aura lieu physiquement mercredi prochain dès 17h en direct du studio de la radio C'est Fou 89.1 FM, avant de se retrouver dans certains lieux numériques, notamment archive.org, dont l'accès à chaque transmission est facilité grâce à notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Michelle Ndegeocello et la pièce Virgo. C'était Audiomatic avec les sonoristes. They're calling me back to the stars, la, la. The outer space. Dots on my map create impressions. impressions, pictures of the life we all came from. That's me, that's free, that's it, that's love, that's a star. That's birth I gave, give, give. They're calling me.